Alors, elle se mit à rôder par la grande demeure vide. Elle regardait sur les murailles des taches familières à ses yeux. Elle s'arrêta devant un petit trou creusé dans le plâtre par le baron qui s'amusait souvent, en souvenir de son jeune temps, à faire des armes avec sa canne contre la cloison quand il passait devant cet endroit. Dans la chambre de petite mère, elle retrouva, piquée derrière une porte, dans un coin sombre, auprès du lit, une fine épingle à tête d'or qu'elle avait enfoncée là autrefois, elle se le rappelait maintenant, et qu'elle avait depuis cherchée pendant des années. Personne ne l'avait trouvée. Elle la prit comme une inappréciable relique et la baisa. Elle allait partout, cherchait, reconnaissait des traces presque invisibles dans les tentures des chambres qu'on n'avait point changées, revoyait ces figures bizarres que l'imagination prêtait souvent au dessin des étoffes, des marbres, aux ombres des plafonds, salies par le temps. Elle marchait à pas muets, toute seule, dans l'immense château silencieux, comme à travers un cimetière. Toute sa vie gisait là-dedans. Elle descendit au salon. Il était sombre, derrière ses volets fermés, et elle fut quelque temps avant d'y rien distinguer. Puis, son regard s'habituant à l'obscurité, elle reconnut peu à peu les hautes tapisseries où se promenaient des oiseaux. Deux fauteuils étaient restés devant la cheminée, comme si on venait de les quitter. Et l'odeur même de la pièce, une odeur qu'elle avait toujours gardée, comme les êtres ont la leur, une odeur vague, bien reconnaissable cependant, douce senteur indécise des vieux appartements, pénétrait Jeanne, l'enveloppait de souvenirs, grisait sa mémoire. Elle restait, haletante, aspirant cette haleine du passé, et les yeux fixés sur les deux sièges. Et soudain, dans une brusque hallucination qu'enfanta son idée fixe, elle crut voir, elle vit, comme elle les avait vus si souvent, son père et sa mère chauffant leurs pieds au feu. Elle recula, épouvantée, heurta du dos le bord de la porte, s'y soutint pour ne pas tomber, les yeux toujours tendus sur les fauteuils. La vision avait disparu. Elle demeura éperdue pendant quelques minutes, puis elle reprit lentement la possession d'elle-même et voulut s'enfuir, ayant peur d'être folle. Son regard tomba par hasard sur le lambris auquel elle s'appuyait, et elle aperçut l'échelle de poulet. Toutes les légères marques grimpaient sur la peinture à des intervalles inégaux, et des chiffres tracés au canif indiquaient les âges, les mois et la croissance de son fils. Tantôt, c'était l'écriture du baron, plus grande. Tantôt la sienne, plus petite. Tantôt, celle de tante Lison, un peu tremblée. Et il lui sembla que l'enfant d'autrefois était là, devant elle, avec ses cheveux blonds, collant son petit front contre le mur pour qu'on mesurât sa taille. Le baron criait « Jeanne, il a grandi 1 centimètre depuis 6 semaines !» Et elle se mit à baiser le lambris avec une frénésie d'amour.